quitter la terre, voyager au-dessus des sphères. En oubliant le passé, et peut-être à ne plus jamais trouver d'humanité. Alors pense à tes erreurs, comment est arrivée une telle douleur? Ce n'est pas de se justifier par la richesse ou la pauvreté. Il n'y a pas d'argument pour un massacre, il n'y a pas d'argument pour un massacre. Le nombre forme l'opinion et la masse la raison. Si le plus grand nombre s'est trompé, faut-il tout remettre en question? Penser n'est forcément pas la meilleure adaptée. Et on est parti pour un tour. Ne sait pas où s'arrêter. On est parti pour un tour et on ne sait pas où s'arrêter. Parti pour un tour et on ne sait pas où s'arrêter. On a quitté la terre pour voyager au-dessus des sphères. Un mot de